Je ne suis pas Johnny Hallyday, je vous l'avoue. Oh oui, je le sais, quelle déception pour vous. Je ne suis pas Johnny Hallyday pour vous dire tout. Mais pourtant, j'aimerais être invité partout. Car je ne suis qu'un vieux ringard qui s'imagine être une star. Non, je ne connais pas la gloire, sauf quand je monte sur scène le soir. Mais ce succès n'est pas le mien. Oh non, ce succès est le sien. Tous ces bravos, tous ces hurrahs ne sont pas destinés à moi. Je ne suis pas Johnny Hallyday, mais ça, vous le saviez. Mais quand je monte sur scène le soir, je tente de vous le faire croire. Je ne suis pas Johnny Hallyday, pourtant j'ai essayé. Mais la nuit, quand je rêve, c'est le Stade de France qui se lève. Car je ne chante qu'aux anniversaires, au cabaret et au mariage. C'est la seule chose dont je sois fier, qui me rende heureux à mon âge. Oui, car je ne suis qu'un sosie, mais pas une photocopie. Toutes les nuits, toute ma vie, ma raison d'être, c'est Johnny. Johnny Hallyday, il y a longtemps que je le sais. Ma dernière sentence est celle-ci. Mon cœur ne bat que pour Johnny.